planète rap. Puis tu démarres, le 2, ça va arriver dans la nuque. Ah, hey. Je reste cool moi. J'ai qu'à m'abandonne si je roule moi. Et moi j'en ai pris des coups moi. Hey. Aujourd'hui c'est mon de ma satira. Prends-moi la mer à un pirate. La vie là va te plomber. Va te plomber. On te dit elle va te plomber. T'as dit on va te plomber. Aujourd'hui c'est mon de ma satira. Prends-moi la mer à un pirate. La vie là va te plomber. On va te plomber. On te dit elle va te plomber. Comme un gros tard, moi j'ai fait du chemin comme un motard. Et je n'étais qu'un petit bateau. Des rêves dans la tête, la police m'a raté. Et nous on s'est fait solo. Tout le bif qu'on a fait, on l'a mérité. Et tu le sais, oh mamacita, elle touche ton cœur, ma musica. J'ai quitté le studio la matina. Me demande pas pourquoi je suis jamais là. La vie est courte donc je cours moi. Elle est courte donc je reste cool moi. J'ai qu'elle m'abandonne si je coule moi. Et moi j'en ai pris des coups moi. Aujourd'hui c'est mort de ma satire. Prends-moi la mer à pirate. La vie n'a pas te plomber. Et nous on va te plomber. Je dis pas te plomber. Et nous on va te plomber. Aujourd'hui c'est mort de ma satire. Prends-moi la mer à pirate. La vie n'a pas te plomber. Et nous on va te plomber. Je dis elle va te plomber. Ok. Moi c'est l'OVNI qui déboule, ça va faire des dégâts comme un tank. Et tant que je fais du rap, je compte encore choquer des tentes. Ouais ouais, tant pis si tu pompes, mon flow je le pimpe en décembre. Ça va faire comme dans Hit quand tu rentres à plusieurs dans la banque. Personne voit quand je tombe, je casse, on passe à les vitesses, je me nique les pompes. Sur ta hupe info, pas moi qui prêtera la détente si tu manques. Fais le signe, c'est du gang, cache au lait, c'est sombre. Jette pas l'œil, je te vois passer avec Chiquita en Mustang. En DP je me distingue, comme tout King, machine à tube. Je bouge jamais ma team, je suis créatif, beaucoup mature, affirmatif. Cette année on va faire des dégâts. La vie est courte donc je cours moi. Elle est courte donc je reste cool moi. J'ai qu'à m'abandonne si je coule moi. Et moi j'en ai pris des coups moi. Aujourd'hui c'est mort de ma satira. Ça prend pas la mer à pirate. La vie n'a pas de plan B. Et nous on va te plomber. On a dit elle va te plomber. On va passer au plan B. Aujourd'hui c'est mort de ma satira. Ça prend dans la mer à pirate. La vie n'a pas de plan B. On a dit elle va te plomber. Exclusif de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.